En Corée, on dynamise la modernisation de l'industrie locale. Les entreprises alimentaires de l'arrondissement de Faicang de la province du Pyongan du Sud ont établi pendant une quarantaine de jours le système intégral de production aux processus de production principaux, comme ceux de saumure, de boissons et de confiserie, et installé les nouveaux processus de production, notamment d'eau gazeuse sucrée. Les usines de production de papier ont fabriqué et installé les machines à papier multifonctionnelles de nouveau type pour ainsi produire en quantité diverses sortes de cahiers et de papier hygiénique. L'usine alimentaire complexe de Sangdo-won de la province du Gangwon a modernisé une dizaine de processus de production comme ceux de riz nutritif, de sucre et de gruau sucré de soja. Toutes les provinces, villes et arrondissements comme les Pyongan du Nord, du Fangé du Sud et du Gyeonggang accordent la priorité à la modernisation des usines directement liées à la vie du peuple.